le tour du monde en 60 minutes chaque mercredi à 10h le matin avec l'heure internationale. L'équipe du Comité de solidarité Trois-Rivières décortiquera avec vous l'actualité nationale et internationale. On se coule un bon café pour le rendez-vous de l'heure internationale tous les mercredis à 10h à CIPOU 89.1.